Vous pensez que Canadian Tire, ce sont les outils ou la quincaillerie? Mais on a aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bas prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, fier commanditaire de l'équipe olympique canadienne. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca, 418-276-2385. Le propriétaire Ken Bennett félicite Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour leur participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang. C'est la chronique de la Ligue JMS cette semaine avec Guy Saint-Jean. On n'a pas été en mesure de se parler au lundi, donc on va se parler ce matin. Salut Guy! Salut Danny, ça va? Ça va bien. Guy, avant de commencer, on va parler des honneurs individuels dans la Ligue. Il y a des honneurs qui ont sorti. Oui, dans la Ligue JMS, mais du côté du Junior 2A, étant donné que leur saison, eux, sont terminées. OK. On a eu une égalité au classement des pointeurs. Ça fait que ça a été départagé, revérifié par la Ligue et la Fédé. Et avec 65 points chacun, mais c'est grâce au plus nombre de buts le plus élevé, c'est Charles Bélanger des Saguenayens avec 34 buts. Okay. Et 31 passes qui finit premier. Tu as Jean-Simon Girard de Jonquière qui est collé sur lui. Mais il y a 24 buts, 41 passes là, pour Jean-Simon. Okay. Donc... Du côté du meilleur buteur, c'est Charles Bélanger avec 34. Okay. Le meilleur passeur, c'est Anthony Labrèche de Chicoutimi avec 41. Okay. Ensuite... Au cours de la journée d'aujourd'hui ou au maximum demain matin, là, on va avoir la recrue de l'année qui va sortir. On va avoir le meilleur défenseur de l'équipe d'étoiles. Donc, surveillez les sites Facebook de Dan Radio Sport et de la Ligue là, pour suivre les nominés. Okay, et okay. Les autres honneurs individuels. Si on regarde Danny vite, là, les honneurs d'équipe, là. Ben, la meilleure défensive à partir au Marquis de Jonquière avec seulement 74 buts accordés là, en 32 matchs, qui est vraiment... Mais c'est bon, là. Honnêtement, là, en bas de 100 points, 100 buts accordés, là, c'est excellent. Du côté de la meilleure offensive, ben, ça va du côté des Saguenay-Chicoutimi avec 685 buts. OK. Et... 685 buts? 185. 185, OK. Donc, c'est que ça a quand même bien été de ce côté-là. Allons-y oui. Maintenant avec les débuts des séries qui débutent ce soir. Oui, la série quart de finale, on sait que les trois premières positions ont un 8 jours de congé, étant donné que c'est la quatrième contre la cinquième position là, qui fait le quart de finale. Okay. Donc, Robert Val avec deux énormes victoires contre Alma vendredi et samedi, leur a permis de terminer quatrième malgré... un début de saison atroce. Robert Val, là, depuis le changement d'entraîneur, a remonté la pente match par match et termine avec 43 points, 3 devant Alma. Donc, la série débute du côté du territoire de Robert Val. Étant donné qu'on connaît le problème de glace à Robert Val, mais ça va commencer à Métabéchouan ce soir à 20h. Ah, OK. 20h30. J'ai un blanc de mémoire extrême d'année, tout à l'heure. OK. Ensuite, les autres séries vont commencer, j'imagine, plus tard un peu. En fin de semaine. Le 8 ou le 9. Ben, si on regarde là, la série là, Robert Val-Alma, là, ça se joue ce soir, ça se joue vendredi à Alma, samedi à Mastoyache, dimanche à Alma. Okay. C'est un cinquième match et mardi dans leur aréna à Robert Val. Là, ouais, là, ah, là, parce que oui, on voulait l'ouvrir pendant 15 jours, c'est vrai ça. Ouais. Hmm. Fait que là, on va être prête. Ouais. Donc, le gagnant de cette série-là va pogner le champion de la saison qui est marqué de Jonquière. OK, ce ne sera pas facile. Fait que eux, non, ce ne sera pas facile, mais je veux dire, Jonquière ont quand même des défaites en saison. Là. Robert Val a connu des bons matchs contre eux. Ils ont eu des défaites en prolongation. Alma a eu certains matchs serrés aussi. Donc, ça peut être quand même une bonne série. Mm. C'est sûr que ça va être un 4-7, ce qui va être plus compliqué un petit peu, mais je pense que. Les séries, c'est une nouvelle saison pour tout le monde. Ben oui. Puis ça, normalement, s'il n'y a pas de changement, ça va débuter jeudi le 8 au Palais des Sports de Jonquière, tout dépendant encore une fois du problème de glace qu'on a à Saguenay. Mm. Et puis le lendemain, le 9, l'autre demi-finale va commencer au plateau à Chicoutimi-Nord entre Normandin et Chicoutimi. Okay. Normandin a fini troisième, Chicoutimi deuxième. Donc, ça va débuter le vendredi, ça va tourner le dimanche à Normandin et ainsi de suite. Là, les horaires sortent sur le site Internet là, de la Ligue JMS aujourd'hui là, pour cette demi-finale-là. OK. Donc, niveau midget, il reste une semaine. Oui, il reste une semaine. Classement extrêmement serré, Danny. Tu as le Marco Spa qui sont Ouais. deuxième OK. à un point de Chibougamau. Mais Chibougamau, leur saison est terminée. Donc, ils ont leurs 32 matchs à jouer. Il en reste deux du côté de Saint-Félicien, de la troupe de Jason. Donc, deux matchs à jouer, normalement, devraient passer Chibougamau. Et tu as OK. Jonquière qui a remporté un match là, in extremis en prolongation hier, 4-3 contre Alma. Donc, Jonquière, eux, leur restait quatre matchs avant celui-là d'hier à 8 points de Chibougamau. Donc, là, ils viennent d'aller en chercher trois, sont à 5 points, 3 matchs. Donc, Jonquière peut toujours rattraper Saint-Félicien aussi. Donc, c'est vraiment une lutte à trois là, pour la première et deuxième position et troisième, là. Ça va être bon jusqu'à dimanche. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Bien hâte de Oui, voir ça. c'est le fun. C'est le fun quand c'est serré comme ça. Puis eux, Ouais. les séries vont débuter suite le mardi, là, avec, on sait qu'on, excusez pas, je suis bien mot, mais Bécomo font partie de la Ligue, mais pas pour les séries, parce qu'eux vont directement à la Coupe de la Coupe d'Or, je vais représenter la Oui, Côte-Nord. parce que les autres, ils Donc, représentent l'Abitibi, c'est ça? non. Je suis bien mort, maintenant, c'est Gong et c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, OK. Oui, ça, c'est depuis quelques années. Bécomo représente la Côte-Nord. Dans le temps, qui avait Sept-Îles, ils jouaient une série contre Sept-Îles. Mais étant donné que cette année, Sept-Îles sont pas là, Bécomo vont directement à la Coupe Dodge. Donc, il nous reste 8 équipes, là, que je suis bien mort dans la Ligue, dans la région. Puis, c'est 1-8, là, pour les quarts de finale, là, et ainsi de suite, 2-7. Ça fait que, ça va commencer, là. Certaines séries vont commencer tout de suite le mardi. D'autres, ça peut aller au samedi. L'équipe qui va pogner Chibougamau, là, va jouer le samedi Chibougamau et des chances que ça revienne suite le dimanche là, à l'autre endroit là, pour l'autre équipe parce qu'ils ont quand même eux aussi là, 8 jours pour jouer un 3-5. C'est sûr que l'équipe qui pogne Chibougamau, c'est deux matchs là-bas, on s'en vient, deux matchs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est un cinquième match, ça va être la fin de semaine d'après là à Chibougamau. OK. Mais ça va être du beau hockey en fin de semaine, là. Ben oui, c'est Ben, bien il y a c'est un bien. match très important vendredi soir à Dolbeau, là, où que l'abbé tente de rattraper les Castors, là, pour l'avant-dernière place en série pour justement pas affronter la première position. Donc, pour eux, c'est un match très important. C'est comme le match, là, de première position pour eux, là. C'est aussi important parce qu'ils veulent pas terminer dans le sous-sol du classement. Effectivement, donc pour pas affronter la grosse équipe. Ouais, c'est ça. T'as-tu des nouvelles de l'histoire entre l'abbé puis Chicoutimi finalement? Oui, j'en ai eu. C'est pour ça que je t'avais demandé un petit délai ce matin. J'attendais une réponse. Après enquête la fédération de la Ligue, les deux organisations ont été rencontrées, les deux joueurs ont été rencontrés. Le nombre de matchs de suspension est resté à deux. Mais avec une rencontre là, particulière entre le joueur de l'abbé là, avec avertissement très sévère là, que peu importe le geste qui pourrait y avoir lieu, sa saison pourrait un terme à sa saison là, sur le coup. Ça fait qu'il est comme on pourrait dire il y a une grâce en bon québécois, là. Mais ça reste quand même un coup déplorable pareil, là. Oui, je veux dire, après enquête, Danny, là, tu sais, il y a une différence de poids, de grandeur aussi, il y a à regarder, tu sais, quand on voit les photos, c'est désastreux, on se le dit tout. Si on aurait eu une vidéo, je pense que ça n'aurait pas été beau à regarder. Le geste a été très bien puni par l'officiel, là, c'est un coup à tête, c'est le maximum, dans l'automatisme, c'est le maximum qu'il pouvait y avoir. Il y aurait pu avoir, mais des sanctions supplémentaires, mais il faut toujours regarder justement la différence de poids, la différence de grandeur. Tu sais, s'il aurait été tous les deux la même grandeur, ben, il aurait-tu vraiment eu un coup à la tête, l'épaule aurait-tu viré? Tu sais, on le sait pas, là. Et c'est des si, hein. Des Oui, si, tu c'est sais ça. comme moi qu'on fait. Pas Hein, la pari. si Marc Bergevin n'aurait fait des échanges, on serait peut-être plus heureux aujourd'hui. C'est clair. Mais tu sais, je veux dire, c'est un jeu d'action, le hockey. tu sais, le petit gars de la baie, là, il c'était pas volontaire. Est-ce qu'il va frappait, bien quand même, frappait. Le gars de Chicoutimi? Est-ce qu'il va bien maintenant? Ça va-tu mieux? Ah, ben, je veux dire, il a eu besoin d'opération. Tu sais, sa saison de hockey est finie. C'est pas facile le retour en classe, étant donné que, tu sais, comme un bras en moins temporairement. C'est pas l'idéal, mais moi, la seule affaire que je peux déplorer là-dedans, Dani, là, c'est malheureusement les réseaux sociaux. Ça a dégénéré ça, là-dedans. Tu peux dire que ça a dégénéré terriblement. Je l'ai enlevé, moi, parce assassin, que... Là. C'est déplorable. Puis il y a certaines personnes, là, autant de Chicoutimi que de la baie, que ça s'est dit des choses. Là, non, non, non, moi, ça a explosé, écoute, sur les médias sociaux, moi. Dani, je peux te dire que même la police a surveillé ça de très près, là, parce que il y avait des menaces, là, à certains endroits, là. Oh, oui. Des choses qui ont été obligées d'être retirées, puis certaines personnes qui ont eu des téléphones, puis je peux te dire que il y a des enquêtes aussi du côté, là, de la Ligue de Hockey Québec, parce qu'il y a certaines personnes qui sont impliquées au point de vue, là, on pourrait dire, ont un contrat du côté de Hockey Québec, là, puis qui ont dit des choses, donc, tu sais, autant d'un bord que de l'autre, là. Ouais. À un moment donné, malheureusement, les réseaux sociaux, c'est ça que ça fait, ça dégénère. Là. Ça, ah, c'est non, comme ça un peu le jeu du téléphone, je... tu dis quelque chose, puis la fin est plus pareille. Moi, j'ai enlevé le. Parce que moi, je l'ai commis comme une nouvelle, puis je l'ai enlevé tout de suite, là, quand j'ai vu que ça dégénérait. Là, c'est normal que certaines personnes ne soient pas heureuses, puis l'autre réponde. Mais il faut que ça reste dans le respect. Ouais. Puis côté respect, ben, ça a dégradé vite, disons. Ah oui, je l'ai enlevé tout de suite. Ah oui, tu t'as été une victime collatérale là-dessus. Là. Il a fallu que tu enlèves ça parce que justement, ça aurait été toi qui aurais passé pour la personne qui appuie ça. Ouais. Malheureusement. Ouais. Donc, on se reparle lundi ou mardi prochain? Oui, lundi, on va avoir. Faire le bilan de la fin de semaine. Oui, là, on va parler plus du midget là, lundi parce que la saison va être terminée. On va avoir les champions de saison, on va avoir les meilleurs marqueurs. Ah, j'oubliais du côté individuel, du côté des gardiens de but, Dani. Ouais. Je vois la note sur ma feuille. Là. C'est William Tremblay de Chicoutimi avec un point, avec une moyenne de 2,78. Et encore là, ça a fait quelques chiolages parce que on peut pas donner, ça va être la même affaire dans le midget, et c'est la même affaire partout. On peut pas donner, là, un meilleur gardien de but dans une ligue à quelqu'un qui a pas gaulé au moins un 45% ben oui, des ça matchs. Ça se fait partout là. Dans la Ligue nationale. Ça se fait même dans la Ligue nationale, ça se fait partout. Ouais. Ça fait que là, c'est ça. Tu sais, si on regarde sur le site, parce que sur le site internet de la Ligue, t'as ceux-là qui ont gaulé un match qui apparaissent. Mais tu peux pas donner la meilleure moyenne à quelqu'un qui a gaulé un 35-40%, là. Faut au moins que tu sois le premier gardien de ton équipe, ou au pire, si t'as vraiment fait 50-50, là. Ouais. Effectivement. Fait que, William Tremblay, c'est le gardien là, qui a gaulé le plus de minutes, là, 1260 minutes là, dans la Ligue. Puis il termine avec une moyenne de 2,78. Fait que la Ligue a décidé que c'était lui le meilleur gardien. Mais tu sais, je néglige aucun gardien dans la Ligue. Je veux surtout pas négliger ceux des Marquis de Jonquière parce qu'ils ont quand même accordé seulement 94 buts. Mais ça a donné que le départage des gardiens dans la saison donne que ça... Ça arrive comme ça, malheureusement, là, mais tu sais, ça prend une frontière et une ligne à quelque part. Oui, effectivement. Donc, on se reparle très prochainement, Guy. Oui, la semaine prochaine, on va se concentrer sur le midget en espérant qu'il n'arrive aucun geste discrétion en fin de semaine. OK, donc Guy Saint-Gelais, qui est le responsable de la Ligue JMS.